Lettre 9e de Gibraltar. Figure-toi, mon ami, un rocher taillé à pic, au sommet duquel on ne parvient que par des sinuosités infinies et périlleuses. Un rocher haut de 1340 pieds, long de plus de 600 milles, hérissé de batteries et de canons, dominant une ville défendue par des remparts, des bastions et des escadres, et tu n'auras qu'une faible idée des ressources de Gibraltar. Le plus effrayant et le plus meurtrier, ici n'est pas ce qu'on voit. Les Français ont renversé des batteries, gravi des rochers et enlevé des milliers de canons. Mais comment pénétrer dans ces souterrains prolongés où sont entassés, terribles éléments destructeurs, plusieurs centaines de bouches à feu qu'on ne peut supposer là que lorsqu'il n'est plus possible d'en éviter les effets dévastateurs? Comment, lors même que nos baïonnettes auraient semé le carnage jusqu'à l'entrée de ces voûtes effrayantes, comment oser y pénétrer sans en connaître les sinuosités et la profondeur? La mort est à chaque pas. Chaque détour peut cacher un piège funeste. Le roc qui vous protège à présent peut, une seconde plus tard, devenir votre tombeau. Et moins vous voyez l'ennemi, plus vous devez le redouter. La reddition de la place n'est rien cependant si l'on ne s'empare de ce qui peut la détruire. La prise même des souterrains ne déterminerait pas la sûreté des vainqueurs. Des sommets escarpés et d'autres forts les dominent encore. Il faut tout avoir ou tout abandonner. Il faut n'avoir plus rien à combattre ou renoncer à la possession. Qu'on ne dise point que la famine peut livrer la place. Les préparatifs d'un pareil siège exigent de la part de l'ennemi plusieurs années de soins. Ses projets se divulguent. On se dispose à rendre ses efforts inutiles. Et à moins que d'être tranquille possesseur de la mer, il doit y renoncer. D'ailleurs, nul citoyen ne peut rester à Gibraltar sans les vivres nécessaires pour braver la famine au moins pendant 2 ans. Au loin, dans la campagne, nul arbre ne flatte la vue, nul arbuste n'appelle les regards, de l'eau, des rochers, du sable, ah, le terrible séjour! Le côté sud-est de la montagne n'offre guère que l'image d'une nature brute et avare. Une mer inconstante en sape la base dans toutes ses sinuosités. 20 maisons entassées sur un petit coin de terre, où l'on n'est en sûreté ni du côté de la mer, ni de celui de la montagne, d'où se détachent parfois d'énormes blocs de rochers. Quelques arbustes oubliés par la nature, couronnant la cime de 5 ou 6 pierres isolées sur une énorme couche de sable. Tels sont les objets qui frappent la vue. Cependant, en se rapprochant du cap, qu'on appelle pointe d'Europe, l'œil se repose agréablement sur d'assez jolies maisons et de vastes casernes. Et tel est l'effet du contraste, qu'on est presque enthousiasmé de ce qui ne paraîtra ailleurs que très ordinaire. En tournant les regards vers la côte d'Afrique, le mot « singe », qui a pris son nom de la prodigieuse quantité de singes qui s'en disputent les misérables productions, avance fièrement sa tête noire et décharnée et offre un aspect tout à fait pittoresque. Ici se présente naturellement une réflexion. À quelques milles de cette montagne, les Espagnols possèdent, depuis des siècles, le fort de Ceuta, presque aussi redoutable que Gibraltar, et que les Anglais ont vainement jusqu'ici tenté de leur enlever. À la vue de ce fort, on se demande comment les Espagnols, qui ont si bien défendu Ceuta, n'ont pas su conserver Gibraltar, place bien autrement importante qu'est le boulevard de la Méditerranée et la clé du commerce des échelles du Levant.